Bienvenue à cette méditation épine et silence. Je suis Thomas, votre guide pour ces quelques minutes de recueillement spirituel. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et prenons ensemble quelques respirations profondes. Inspirez lentement par le nez, retenez un instant, et expirez doucement par la bouche, laissant partir toutes les tensions. Encore une fois, inspirez profondément et expirez en relâchant votre corps. Dans la tradition catholique, nous sommes invités à ne pas fuir la souffrance, mais à la traverser avec le Christ. Rappelez-vous ces paroles. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Le Christ ne nous promet pas l'absence d'épreuves, mais sa présence fidèle au cœur même de nos douleurs. Prenez conscience maintenant de cette épine particulière que vous portez aujourd'hui. Peut-être est-ce une blessure physique, une souffrance émotionnelle, un deuil, une inquiétude qui vous habite. Sans chercher à la repousser, regardez-la avec douceur et acceptation. Comme l'épine de la couronne du Christ, votre douleur est réelle. Elle fait partie de votre chemin humain, mais elle n'est pas la fin de l'histoire. Dans la tradition catholique, nous croyons que la croix ouvre sur la résurrection, que la nuit la plus obscure précède l'aube nouvelle. Respirez doucement en vous rappelant que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Le Christ marche à vos côtés. Il connaît intimement la souffrance humaine. Il l'a portée lui-même. Imaginez que vous déposez votre fardeau à ses pieds, non pas pour qu'il disparaisse magiquement, mais pour qu'il soit partagé, allégé par sa présence. Dans le silence qui suit l'aveu de notre vulnérabilité, quelque chose de profond peut émerger. Écoutez ce silence, laissez-le vous envelopper comme un manteau de paix. Saint Augustin disait « Notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi, Seigneur. » Dans ce silence sacré, sentez cette paix qui ne vient pas de l'absence de difficultés, mais de la présence divine au cœur même de nos épreuves. Respirez profondément cette paix qui dépasse toute compréhension. Laissez-la se répandre dans tout votre être, comme une eau vive qui apaise et guérit. La pacification intérieure n'est pas l'évitement de la douleur, mais sa transfiguration dans la lumière de la foi. En terminant cette méditation, je vous invite à répéter silencieusement cette prière inspirée du psaume 23. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Revenez doucement à votre conscience ordinaire. Portez avec vous cette paix intérieure tout au long de votre journée. Que la grâce du Christ vous accompagne dans chaque moment, transformant les épines en occasion de croissance spirituelle et le silence en espace de rencontre avec Dieu. Merci d'avoir partagé ce moment de méditation, épines et silence. À bientôt pour un nouveau temps de recueillement spirituel.